cette lettre, car je pense à toi. J'ai écrit ce thème, étant sûr de moi. J'ai demandé à Dieu qui me laisse la parole et qui te donne cette lettre pour que tu la lises de là-haut. Tu sais, en vrai, tu me manques, j'espère que tu m'entends. Les anges m'ont dit qu'il va revenir, mais je pense qu'il me manque. La dernière fois que je t'ai vu, c'était dans le tombeau, sous un saut de tombeau. Et c'est mes larmes en lit qui sont tombées. Papa, j'aurais voulu que tu sois fier de moi, mais j'avais tout lâché. J'étais ce gosse caché dans un placard. J'en avais marre de marcher les pieds dans les soucis, de savoir condamner de maladies qui te mettaient en sursis. Depuis ce 20 janvier, j'essaie de penser aux souvenirs afin que ma douleur et ma colère veuillent bien s'assoupir. J'entends crier ton petit-fils qui t'est nommé papou un an et demi. Il connaît peu la vie, mais il te cherche pas. Papa, c'est ton fils qui te parle. Ceux-là qui ont dit pourquoi tu pleures pas, je me cache et m'enferme dans ma chambre. Je lâche des larmes, j'écris et je chante mes papas. Tout l'enfant te parle au midi, pourquoi tu ne viens pas aider? Faire cacher ses larmes pour avancer, oublier son nom. J'oubliais de te dire à quel point je t'aimais. Aveuglé par la peur, j'ai préféré traîner dans la rue comme un cause que l'on juge. Sans savoir que rien ne compte, à part son papa. J'étais triste, tu sais, mais je riais quand même. Je pleurais pas devant les gens, de peur qu'on m'emmerde. On croyait que j'étais le plus grand des heureux, mais je marchais tête baissée, de blessures sur le cœur. Combien de fois j'ai pensé à me jeter dans le vide? Combien de fois le shaitan m'a poussé dans le vice? Papa, je regrette aujourd'hui un tas de choses. Stressé dans la vie, je pense bien finir chaud. J'ai parfois l'impression que les nuages font des signes. Alors je prends un crayon, une feuille et je dessine un enfant et son père. Pas l'attend dans un coin et j'ai râlé sa peine, priant sur une plaque. Papa, c'est ton fils qui te parle. Ceux-là qui ont dit pourquoi tu pleures pas, je me cache et m'enferme dans ma chambre. Je lâche des larmes, j'écris et je chante mes papas. Tout l'enfant te parle. Parfois je te parle comme si t'étais là. Je m'écroule devant ma glace, baignant dans mes larmes. Je suis seul en pensant à mon jour de deuil. Papa, pour ma force, promets-moi qu'on est deux. À ta mort, n'oublie pas que je t'ai fait une promesse. Je l'ai tenue à qui, malgré ça, je suis paumé. J'ai crié toutes mes forces jusqu'à perdre la voix. Je donnerai tout sur la terre pour pouvoir te revoir. 10 ans de ma vie à me battre comme un fou. 10 ans de ma vie à crier comme la foule. Je dormais tous les soirs avec Dieu sous ma tête. Je priais dans le noir pour les gens de la terre. Le cancer a fait toi le pire des otages. Comme la foudre et l'éclair, c'est le pire des orages. Pour la fin, je voulais dire que tu es sur mon disque. Je t'aime pour la vie, signé ton fils. Papa, c'est ton fils qui te parle. Ceux-là qui ont dit pourquoi tu pleures pas, je me cache et m'enferme dans ma chambre. Je lâche des larmes, j'écris et je chante mes papas. Tout l'enfant te parle.